On va parler avec Peter Yiannopoulos de TSN Radio. Peter qui est revenu de vacances, qui a pris du soleil, le chanceux. C'est le March Madness en fin de semaine. On est rendu au Sweet 16. On va tomber au Elite 8. On en parle avec Peter Yiannopoulos. Salut, Peter. Salut, ça va bien, Danny? Ça va bien. Peter, je veux te parler d'abord de la grande surprise. Ça reste encore la grande, même si l'on a Chicago, il est vraiment... Et cette petite université-là, année après année, il y a toujours une petite université, une histoire Cendrillon au March Madness. Cette année, ça semble être l'ONA Chicago. Par contre, UMSB, ça a été la plus grande surprise de l'histoire du March Madness, qu'on dit. C'est ça la beauté, en fait, hein? Non, c'est clair. C'est ça, les joueurs qui sont très forts, puis ils n'ont pas autant de télévision, ils n'ont pas autant de journalistes qui couvrent leur match. Ils ne jouent pas devant 20 000 personnes comme les grandes écoles comme Kentucky puis North Carolina. C'est des joueurs qui ont beaucoup de fierté. Puis je pense que depuis des années, je me disais, c'est quand ça va arriver finalement qu'un numéro 16 va battre un numéro 1, Zepho et 134. mais finalement, je savais que Virginia, c'est une équipe grande, ACC, Tony Bennett, l'entraîneur-chef, quel spectaculaire boulot qu'il a fait avec cette école aussi, quand tu compares à Duke, Carolina, Syracuse, mais ils avaient quelques blessures, c'est une équipe sur la défensive. Là, t'as les gars de UMBC qui arrivent, qui ont battu le Vermont dans la petite conférence, qui jouent dans l'America East, pas trop loin ici de Montréal, ils ont gagné le match avec un 3 points au buzzer, fait qu'ils s'en vont dans le tournoi. Qui est l'histoire de l'histoire, la première fois que ça arrive, un 16 qui bat un numéro 1, incroyable. Fait que maintenant, on est rendu à 1 et 135, les 16 contre les 1. Ah, c'était incroyable, c'était quelque chose. L'ONA Chicago, c'est la petite, c'est l'histoire Cendrillon de ce March Madness 2018. Es-tu surpris de voir l'ONA Chicago quand même? Jusqu'à maintenant, sûrement, hein? Écoute, je savais qu'ils avaient une bonne équipe. L'entraîneur-chef, Porter Moser, c'est un des meilleurs entraîneurs de toute l'NCAA. C'est vraiment quelqu'un qui motive son équipe, beaucoup d'énergie. Il comprend comment battre les bonnes équipes ou garder les matchs proches, comme ça, ils peuvent gagner à la fin. Mais je pensais pas qu'ils allaient se rendre au Elite 8. Je serais un grand menteur. J'ai pas mis l'autre dans mon bracket. Mais quand tu vois qu'ils ont battu Miami, qui joue dans la ACC, ils ont battu Tempe, une des meilleures équipes dans le SEC cette année avec Kentucky. Puis là, hier soir encore, Nevada arrive, gagné par un vrai 10 points. Je pensais que Nevada... Oui, ça a passé proche, oui. Ouais, je pensais qu'eux autres, ils avaient les frères Martin, puis ils avaient une bonne équipe pour gagner ce match-là pour aller au Elite 8. Mais non, Loyola, Chicago, quelle histoire, une autre école. Puis imagine-toi, eux autres qui sont dans le Final Four. On a vu des fois des écoles comme BCU, George Mason, Davidson, Butler. Davidson. Mais, ouais, Davidson, ils sont rendus au Elite 8. Mais quand tu vois une équipe comme ça, la chance, ils ont une grande chance parce que Kansas State, ils ont éliminé Kentucky hier soir. Fait Kansas State, un 9 contre Illinois, Chicago, un 11. Produit pour les... Ah non, c'est... Un 9 contre un 11. Dans cette braquette-là, de mettre Florida State contre Michigan, est-ce qu'il faut favoriser quand même Michigan pour sortir de cette braquette-là, ou encore, tu sais pas ce qui peut arriver, une équipe comme Loyola qui peut arriver de nulle part puis avoir toujours le momentum, parce que Michigan vont sortir de ce jusqu'au Final Four? C'est une équipe qui y a beaucoup de momentum, ils ont gagné le championnat du Big Ten, la conférence. Ouais. Ils ont joué contre Houston dans la deuxième ronde. Ils perdaient tout ce match-là. Je le regardais, puis je le regardais avec les partisans de Michigan. on regardait ça dans le restaurant. Puis Houston, il a joué tout un match, puis tout marchait pas pour Michigan. Okay. Le meilleur joueur, c'est Mo Wagner. Il avait beaucoup de problèmes de faute. Il a eu sa quatrième faute à peu près 9 minutes à le match. Michigan perdait par 6 points, il restait quelques minutes, puis je me dis, bon, ça va être un autre upset, Houston s'en va, mais ils ont eu le grand 3 points de M. Poole après que Houston, avec 3,9 secondes, ils ont raté 2 lancers francs. Si Max et 2 lancers francs, c'est over, c'est fini. Maintenant, Michigan gagne ce match. Fait que dans mon expérience, mon ami, je sais que quand une équipe devrait perdre un match et gagne ça à la fin sur un buzzer, ça veut dire qu'ils vont avoir quelque chose de spécial, puis ils vont commencer à gagner plus de matchs. Ils ont complètement détruit bonne équipe de Texas A&M hier. Abdul Rahman, il a bien joué aussi. Mo Wagner, ça c'est deux gars qui ont mal joué contre Houston. On les a vus hier soir. Je pense que c'est les favoris. J'aime l'entraîneur-chef John Beilein, un des meilleurs entraîneurs de toute la NCAA. Je sais qu'en 2013, ils ont perdu contre Louisville en finale. Ils devraient gagner ce match-là. Ils continuent à développer, à cultiver ce programme. Mais faites attention aussi, Florida State, c'est une équipe qui joue à peu près 11 joueurs. Leonard Hamilton, un grand entraîneur de l'NBA qui est maintenant Florida State. On parle trop des Seminoles parce qu'on parle souvent de North Carolina. Mais beaucoup de talent. Ils ont un gars en Trevor Mann. Hier, il y a eu tout un match. J'ai prédit que s'il voulait battre Gonzaga, Mann est là pour la situation. Il devrait faire ça encore dimanche, ou je veux dire samedi. Si les Seminoles, un programme de football. Oui, Seminoles, c'est un programme de football, effectivement. Dans l'autre bracket, il y a moins de surprises un peu. Là. C'est le Sweet 16 qui se termine ce soir dans cette bracket-là. On va tomber au Willet 8 dimanche. Je regarde ça. Duke est encore là. Kansas est encore là, Villanueva est encore là, donc c'est quand même des équipes qu'on voit année après année au March Madness, au Final Four, donc on peut dire qu'il y a moins de surprises là-dedans. Est-ce que tu penses que, moi je pense, j'ai toujours dit que Duke, ça reste Duke, que ça reste une université qui sait comment gagner avec Coach K, penses-tu que Duke va sortir gagnant de cette braquette-là ou encore ça peut être Kansas? Ça va jouer entre Kansas et Duke, hein? Mais... Je ne veux pas dire aux partisans de Clemson puis de Syracuse. Eux autres, ils ont toute une année. Syracuse, la dernière équipe, ils ont battu. Est rentrée dans le tournoi de l'NCAA. Ils gagnent trois matchs. Michigan State. Il a juste sept joueurs dans l'équipe. Ils ont plein de blessures. C'est incroyable que ce soit Jim Behan. Écoute, juste à l'esprit de 2-3 ans, les joueurs, les équipes, ils ont des problèmes à lancer des points contre Syracuse. Est-ce que Duke peut jouer de la même façon, ils peuvent rentrer des trois points? Moi, je pense que oui. Je pense que Grayson Allen, c'est tout un joueur pour Coach K. Il y a eu beaucoup de problèmes. Je faisais sur le corps. Mais c'est un joueur avec beaucoup de confiance, beaucoup d'expérience. Mais le meilleur joueur potentiellement pour moi, c'est Marvin Bagley. Est-ce que tu penses que je voulais amener... je voulais en venir avec ça. C'était ma prochaine question après qu'on finisse la bracket. Mais puisque tu es là, on va en parler. Marvin Bagley de Third, il est actuellement classé dans les 5 premiers au prochain repêchage. Drew Thomas, il est même plus là. Il est dans les 10 premiers. Pascal Jobin, ne soyez pas surpris, même de ça qu'il recule encore. Penses-tu que DeAndre Ayton, qui n'a pas d'Arizona, qui est considéré comme premier, penses-tu que le fait qu'il a pas fait gagner un match au March Madness pourrait faire en sorte qu'il pourrait reculer au repêchage? Un gars c'est déjà des canets déjà. Je pense pas. Je pense que maintenant les dépisteurs de la NBA, ils suivent ces joueurs même avant qu'ils soient au collège. Ils suivent le secondaire. Ils les regardent durant tous les matchs. Des étoiles qui jouent durant l'été avec leur collège. Ils sont à les pratiques. On sait que DeAndre Ayton va être le premier ou le deuxième choix total. Moi, je pense que ça va être Ayton et Bagley, 1 et 2. Je pense que les joueurs qui... de deuxième ou troisième soutien, les joueurs qui peuvent être de la deuxième ronde, s'ils ont un bon tournoi lundi, peut-être qu'ils peuvent monter un peu plus. Mais la façon maintenant, avec la technologie, c'est deep start. Ils connaissent toutes les tendances, toutes les forces de chaque joueur. Fait que je pense pas que ça va vraiment aider. On voit comme un gars comme Ben Simmons, qui a joué à LSU, ils n'ont même pas fait le tournoi à la NCAA. Il peut même pas faire son équipe aller participer au tournoi de la NCAA. Là, regarde ce qu'il fait cette année avec les Sixers de Philadelphie. C'est un étoile. Il va gagner potentiellement la recrue de l'année. Mais je pense que Bagley, c'est un joueur qui est tellement dominant. Moi, il me fait penser beaucoup à Chris Webber quand il jouait à Michigan. C'est un gars qui peut vraiment marquer beaucoup de points proches du panier. Il peut vraiment dunker avec une férocité. Mais il est capable vraiment de courir sur le terrain. Puis il est vraiment excellent en défensive aussi. Fait que, je pense que Kansas, ils ont des bons joueurs aussi. Graham commence à jouer mieux. Newman aussi. Mais je pense que Azubuki, il avait une blessure. Il revient dans le match. Fait que Azubuki contre Bagley à l'intérieur. Si Kansas et Duke se rencontrent dans un Elite, ça va être fascinant. Comme un Elite, un match-up comme ça. Mais je pense que beaucoup de personnes croient que Duke a le talent. Mais attention, Kansas, beaucoup d'expérience aussi. Ça va être extrêmement intéressant, ces deux. OK. Donc, Peter, donc, dans les brackets, tu vois qui au Final Four? Tu vois-tu Michigan contre la petite université de Loyola de ce côté-là ou encore? J'aimerais ça que le compte de fils poursuive. Bon, moi, j'aimerais ça que. Je pense que Michigan, ils ont l'expérience, ils ont le momentum. Ouais. Puis il y a le coaching. Il y a Mo Wagner qui est incroyable. Je pense que Michigan devrait battre Florida State. Écoute, Kansas State, ils ont battu. Kentucky, c'est une équipe avec beaucoup de force. C'est une équipe qui va au rebond. Ils ont vraiment lancé les trois points, mais j'aimerais ça voir Loyola Chicago au Final Four. Je pense que tout le monde a la chance parce qu'ils jouent aussi avec la confiance. Je pense de l'autre côté, je pense que Villanova, West Virginia, ça va être toute partie ce soir, mais je pense que Villanova, avec l'expérience, ils ont perdu une coupe de match. C'est bon pour eux autres, puis là, ils sont prêts pour gagner, puis re-aller au Final Four quand ils ont gagné le championnat d'une coupe d'année, quand ils ont battu North Carolina. Fait que, je pense que ça va être un double contre Villanova d'un côté, puis peut-être Michigan contre Illinois, Loyola, Chicago dans l'autre. Ah, ça serait bon, Peter, on s'en parle le vendredi prochain, si tu permets. Oui. OK, donc Peter Yiannopoulos, collaborateur du March Madness.